Voyage au Soudan égyptien, de Khartoum à la frontière d'Abyssinie par le Nil bleu, par M. Charles Alluot. Sous la domination anglaise, le rail fait des progrès surprenants sur le continent africain. J'ai récemment étudié pour les lecteurs du Tour du Monde l'Ouganda Railway. Aujourd'hui, je vais parler du chemin de fer du Soudan, qui met Khartoum et Omdurman à 8 ou 9 jours des grandes capitales européennes. Comme celle de l'Ouganda, cette voie ferrée a eu son origine dans des difficultés politiques exigeant des moyens rapides pour le transport et le ravitaillement des troupes à travers des régions dépourvues de toute ressource. Rappelons très rapidement les événements, d'ailleurs récents, qui ont mis ces régions à feu et à sang. L'immense soulèvement mahdiste qui aboutit à la perte pour l'Égypte de tout le Soudan. Ce fut d'abord le Darfour qui tomba entre les mains des derviches en 1884 et dont le gouverneur Slatine Pacha fut emmené prisonnier et resta 11 ans esclave du calife Abdoulaye qui fut le bras droit du Mahdi et son successeur. Peu après, le Kordofan suivit le sort du Darfour. Le général Gordon, qui ne s'était pas tant rendu compte de l'importance du soulèvement religieux y occupait Khartoum et le Soudan avec des forces très insuffisantes, tomba en 1885 aux mains des derviches qui lui tranchèrent la tête. Le gouvernement anglo-égyptien s'aperçut lui-même trop tard de la gravité de la situation. L'armée commandée par le général Wolseley, malgré l'énergie déployée, arriva devant Khartoum 48 heures après la chute de cette ville et fut obligée de se retirer en toute hâte. L'influence du Mahdi fut puissamment accrue par ce succès sur les infidèles et son armée ne connut plus de bornes à ses convoitises. Les derviches allèrent jusqu'au cœur de l'Abyssinie piller la riche ville de Gondar et en 1889 se mirent en marche pour conquérir l'Égypte avec une armée de 160 000 hommes. Pendant ce temps, les forces anglo-égyptiennes se concentraient à Wadi Halfa, seconde cataracte, et se préparaient à défendre le nord et à reconquérir les provinces perdues. Le 3 août 1889, un premier coup terrible fut porté à l'armée mahdiste à Toshkent, près du célèbre temple d'Abou Simbel, où le général Grenfell la défit complètement. Les derviches se concentrèrent de nouveau à Omdurman, mais la famine s'y fit cruellement sentir. Les riches régions du nord leur étant désormais fermées, c'est vers le sud qu'ils dirigèrent leurs troupes affamées. Emin Pacha, gouverneur des provinces équatoriales, privé de toute communication et ne pouvant espérer aucun renfort, s'enfuit à la côte avec l'aide de Stanley, venu par l'ouest à son secours. Mais les derviches ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il ne suffit pas de faire des conquêtes, il faut pouvoir les conserver. Désormais, l'empire du Mahdi était trop vaste pour être efficacement défendu. Dans toutes les régions soumises au nouveau prophète, les hommes valides avaient été enrôlés de force sous sa bannière ou mis à mort. Les femmes et les enfants emmenés en esclavage, les villages brûlés, les récoltes pillées. C'était le régime de la terreur. C'était aussi celui de la famine. Les tribus se révoltèrent. De plus, les Italiens en Érythrée, les Belges au Congo, la formidable organisation anglo-égyptienne au nord enserrèrent de toutes parts l'empire du Mahdi, qui n'eut d'autre ressource que d'organiser une nouvelle marche vers les riches régions de l'Égypte. Du camp de Wadi Halfa, la voie ferrée, poussée activement dès 1896, franchit le désert en coupant la grande boucle du Nil qu'elle rejoint à Abu Ahmed, point stratégique important qui tomba aux mains du général Hunter en août 1897. Désormais, le ravitaillement d'une forte armée devint possible et le généralissime Kitchener marcha sur Khartoum. En avril 1898, la grande victoire d'Atbara lui ouvrit le sud et après un dernier succès décisif à Kereri, il entra à Omdurman le 2 septembre 1898. Il avait fallu 13 années pour reprendre la capitale du Soudan et venger Gordon. La pacification du Soudan égyptien est aujourd'hui un fait accompli dans toutes les provinces reconquises, sauf le Darfour, qui garde encore son autonomie et est absolument fermé aux étrangers. Sur aucun point du monde, les Anglais n'ont donné un plus bel exemple de ténacité, de suite dans les idées, pour étendre leur domination que sur cette portion particulièrement ingrate du continent africain. Sauf la petite bande étroite cultivable, qui n'a parfois que quelques mètres le long des deux Nils et qui nourrit une population restreinte, la région est à peine peuplée de nomades obligés à se déplacer constamment selon les pluies pour trouver à faire paître leurs troupeaux. Mais l'on sait que le sable du désert ne demande qu'une chose pour produire aussitôt de magnifiques récoltes, de l'eau. Aussi les ingénieurs anglais, par des barrages et une irrigation méthodique actuellement à l'étude, ne tarderont pas à transformer des étendues plus vastes que la France, aujourd'hui inhabitée et improductive, en régions cultivées. Dans ces conditions, la mise en valeur demande un afflux considérable de personnel et de matériaux, et la première œuvre a été l'achèvement du Soudan Railway de Wadi Halfa, deuxième cataracte, à Khartoum. Cette voie, qui oblige voyageurs et marchandises à la longue et onéreuse traversée de l'Égypte, et à un double transbordement pour le trajet entre la première et la deuxième cataracte qui ne peut se faire qu'en bateau, a été récemment abrégée et rendue indépendante du réseau égyptien par l'ouverture du chemin de fer de Port-Soudan, près Souakim sur la mer Rouge, à Atbara, près Berbère sur le Nil. Deux fois par semaine, un train de luxe quitte Wadi Halfa pour Khartoum. Ce service peut rivaliser à bien des points de vue avec nos grands express européens. Sur d'autres points, il leur est supérieur. Nos compagnies françaises pourraient avec fruit y envoyer leurs employés prendre des leçons de propreté. Un indigène muni d'un plumeau parcourt le train constamment d'un bout à l'autre, grâce au couloir qui fait communiquer tous les wagons entre eux et époussette sans relâche les banquettes. Dans chaque compartiment, des ventilateurs électriques maintiennent une température tolérable. L'éclairage est également électrique. Les vitres sont de couleur bleue afin d'atténuer pour les voyageurs la clarté des rayons solaires. Le train se compose d'un wagon de première classe, d'un de seconde et d'un de troisième, d'un wagon restaurant, d'un wagon cuisine abondamment pourvu de vivres et de boissons, en cas de panne en plein désert, et de deux sleeping cars. Ces wagons sont tous extérieurement identiques et ont à la partie supérieure une sorte d'écran en bois distant de la muraille et mettant entre lui et celle-ci un matelas d'air protégeant un peu de la chaleur. Ils ont aussi de petites niches ajourées, merveilleusement protégées du soleil, dans lesquelles un courant d'air violent maintient à une basse température de l'eau contenue dans de grandes cruches en terre poreuse. Tout a été prévu pour le confort des voyageurs, et cela malgré une difficulté sérieuse tenant au faible écartement de la voie. 3,5 pieds, soit 1,06 m. C'est l'écartement de la voie au sud de Luxor. C'est aussi celui de l'Ouganda Railway et des lignes de l'Afrique australe. Ce Soudan Railway de Wadi Halfa à Khartoum sera un tronçon du vaste plan d'ensemble de la voie du Caire au Cap. Comme je l'ai déjà indiqué, ces express fonctionnent régulièrement deux fois par semaine de novembre à mai et sont généralement bondés de touristes. Il faut retenir ses places à l'avance. Et c'est là où le patriotisme anglais donne une admirable mesure de sa force. La région de Khartoum est peu giboyeuse, nullement pittoresque. De Wadi Halfa au Nil Bleu, il n'y a absolument rien à voir, rien, rien que le sable éternel, monotone, brûlant, insupportable. Confortablement installé dans le wagon-restaurant, les touristes britanniques rêvent fièrement au courage et à l'endurance de leurs officiers qui ont dû faire cette route à pied, au prix de 1000 privations, pour tenter de délivrer Gordon, puis pour venger sa mort. Ils contemplent les vastes plaines, pays de l'insolation et de la soif, anciens champs de bataille où quelques os, trop gros pour la mâchoire des chacals, blanchissent encore au soleil. Cependant, que les waiters du dining car passent le roast beef ou le pudding et renouvellent sans cesse la glace dans les verres. C'est là un des beaux et intéressants côtés du caractère anglais, et les spectateurs ne sont pas les seuls à éprouver ces sensations de chauvinisme. Les acteurs du grand drame de 1885 et de 1898 les goûtent également, car ils sont presque tous revenus veiller à l'organisation du pays qu'ils ont conquis. C'est d'abord le Sirdar, commandant supérieur, actuellement le major général Sir Reginald Wingate, qui, pendant la campagne de 1898 et sa longue préparation, dirigeait l'important service des renseignements et fut un des principaux organisateurs de la délivrance de Slatin. C'est Slatin Pacha lui-même, inspecteur général du Soudan, dont la longue captivité n'a altéré ni la santé ni la jeunesse de caractère, et qui, par sa compétence approfondie des tribus du Soudan et de leurs idiomes, rend les plus grands services au corps d'occupation. C'est encore le colonel Stanton, actuellement Moudir, gouverneur de Khartoum, qui a pris part à la conquête et auquel la facilité avec laquelle il manie la langue française a valu d'être envoyé à Fashoda en 1898, parlementer avec le commandant Marchand. S'il est juste de dire que la connaissance des idiomes soudanais a sauvé la vie à Slatin, il l'est également d'affirmer que la perfection avec laquelle le colonel Stanton parle notre langue a puissamment contribué à aplanir les difficultés au moment critique où un seul mot mal interprété pouvait mettre le feu aux poudres. De même que le voyage de Terre Sainte puise la plus grande partie de son intérêt dans les souvenirs religieux et offre peu d'agréments par lui-même, de même l'arrivée à Khartoum et Omdurman est plutôt une désillusion pour quiconque n'est pas soutenu par l'évocation des événements de 1885 et de 1898. Au moment de la conquête, tout était à faire. Le premier soin des autorités anglo-égyptiennes fut de reconstruire Khartoum et d'en faire une ville européenne exclusivement peuplée de fonctionnaires et soldats et de commerçants grecs pour la plupart. Malgré sa situation désavantageuse, à cause de sa trop grande proximité de la berge abrupte du Nil bleu, le palais de Gordon fut rebâti exactement sur le même emplacement pour abriter le sire d'Ar et son personnel. Puis, on parvint à ramener la confiance dans les régions dévastées par les derviches et à y favoriser le retour des anciens occupants dispersés. Omdurman, la grande cité qui comptait près de 100 000 âmes avant l'occupation mahdiste, aura la peine à reconquérir son ancien rang. Encore aujourd'hui, les trois quarts des maisons sont en ruine, mais peu à peu son port de commerce qui fournit les capitaines et les équipages à tous les bateaux trafiquant sur les deux Nils reprend son essor. Le trajet de Paris au Caire, à Assouan et à Wadi Alpha est trop connu pour que j'aie à y revenir ici. Je prendrai donc le voyageur à la deuxième cataracte, à Wadi Alpha, première ville du Soudan en venant d'Égypte et tête de ligne du réseau ferré soudanais. En sortant de la gare, on traverse le camp qui a joué un si grand rôle pendant la longue préparation de la campagne de 1898. Puis la voie se dirige au sud, coupant la grande boucle du Nil, boucle de Dongola où la présence des deuxième, troisième et quatrième cataractes rend la navigation impossible. Après avoir franchi un seuil rocheux assez accidenté, on commence la traversée du désert de Nubie, désert immense, le plus typique que l'on puisse imaginer. On y entre au moment où les derniers rayons du soleil couchant se jouant sur le sable surchauffé donnent lieu à de merveilleux effets de mirage. De toutes parts, à l'horizon, on voit de gracieuses collines se mirant dans d'immenses nappes d'eau. Or, il n'y a ni eau ni colline, pas plus qu'il n'y a de végétation. La nuit est la seule ombre que l'on puisse espérer dans ces régions sans un rocher, sans un arbuste. Il n'y a pas d'habitants, et on a dû numéroter les stations dans l'impossibilité où on était de leur donner un nom. Chacune des stations de la section désertique possède un puits que l'on a dû creuser jusqu'à 24 mètres pour atteindre la nappe d'eau souterraine. Enfin, après une nuit de chaleur et de poussière, c'est un soulagement au lever du soleil d'apercevoir la ligne de palmiers et de brousses verdoyantes qui annonce que l'on revient vers le Nil, et voici la station d'Abu Hamed et son vaste établissement de bain à l'usage des voyageurs. Après les 14 heures du désert, l'heure d'arrêt d'Abu Hamed, que l'on passe dans l'eau fraîche, est un moment inoubliable de l'existence, et on bénit l'administration des SGR, Southern Government Railways. Certes, je ne mets pas en doute le génie de la race à laquelle je me flatte d'appartenir, mais je me demandais, sous l'averse bienfaisante de la douche en pluie, si une compagnie française, métropolitaine ou coloniale, a jamais songé ou songera jamais à donner pareille satisfaction à ses clients. La voie désormais n'abandonnera plus la rive droite du Nil, mais malheureusement à une distance telle qu'on a bien rarement la joie d'apercevoir le grand fleuve ou ses bords verdoyants. En somme, c'est toujours le désert, mais avec une maigre végétation d'arbustes épineux. On dépasse la cinquième cataracte sans l'apercevoir, et l'on arrive à Berber, que l'on devine dans le lointain. Cette ville, jadis prospère, reprend peu à peu l'importance qu'elle devait à son commerce de dromadaires et à ses industries du cuir. C'est de là que part la route des caravanes pour Souakim, longue de 420 km. C'est un peu plus au sud, au confluent de l'Adbara, premier et unique affluent du Nil entre le Caire et Khartoum, qu'aboutit la nouvelle voie ferrée, inaugurée en janvier 1906, qui part de Port-Soudan sur la mer Rouge. En même temps que cette bifurcation, saluons au passage le champ de bataille où, le 8 avril 1898, Lord Kitchener défie les troupes de l'émir Mahmoud. Le train, qui semble avoir fait vœu d'éviter de courir en vue de tout ce qui pourrait distraire le touriste de l'obsession du désert, passe près des ruines et des pyramides de l'antique Méroé, jadis capitale d'Éthiopie. On n'en voit rien, pas plus que de l'importante cité de Shendi située en face de Métamé, où eut lieu un célèbre combat le 21 juillet 1885. Le général Wellesley en sortit victorieux, mais y perdit un temps précieux et arriva trop tard à Khartoum où Gordon était pris et égorgé le 26 janvier. Enfin, sans avoir aperçu la sixième cataracte, dite de Chablukka, on arrive à Al-Faya, ou Khartoum Nord, station terminus sur la rive droite du Nil Bleu. Un escalier de quelques marches conduit du train au steamer qui attend les voyageurs pour les transporter à Khartoumville, bâti sur la rive gauche et au Grand Hôtel. Khartoum, dont le nom signifie « trompe d'éléphant » pour rappeler la forme du promontoire qui sépare les deux Nils à leur confluent, comptait environ 70 000 habitants en 1882. Complètement anéantie en 1885, elle se relève rapidement et compte déjà plus de 30 000 âmes. Comme je l'ai dit déjà, c'est une ville exclusivement européenne dans l'enceinte de laquelle il est interdit aux indigènes de pénétrer ou de circuler après le coucher du soleil. Elle est située à environ 3 km à l'est du confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu, à 583 mètres d'altitude et par 1,40 degré de latitude nord. Un quai de 5 km de long forme le front nord de la ville le long du Nil Bleu. C'est la voie élégante uniquement consacrée aux hauts fonctionnaires, dont les palais ou villas sont toujours entourés de magnifiques jardins arrosés au moyen de saquets ou roues à peau, mus généralement par un ou deux bœufs, et qui élèvent l'eau du Nil au-dessus de la berge abrupte. En partant de l'est, parmi les principaux édifices qui attirent le regard, voici tout d'abord le Gordon Memorial College, vaste établissement d'instruction supérieure destiné à former des fonctionnaires et des instituteurs pour tout le Soudan. Les Anglais ont inauguré ici un système qui donne toute satisfaction aux Égyptiens, mais qui est en contradiction absolue avec les méthodes employées jusqu'alors. On n'enseigne que l'arabe au Gordon College. Aucun élève n'est obligé d'apprendre l'anglais. Tous les fonctionnaires anglais du Soudan, en revanche, sont tenus de parler et d'écrire l'arabe. La religion musulmane est seule reconnue pour les indigènes, et il est interdit aux missionnaires européens de faire de la propagande en vue de leur faire embrasser le christianisme. Les quelques pasteurs anglicans ou missionnaires catholiques qui vivent à Khartoum n'exercent leur ministère qu'auprès des Européens. Le Gordon College a un autre but encore plus élevé. C'est un centre de recherche scientifique muni de bibliothèques, de collections et de laboratoires qui peuvent rivaliser avec les mieux installés de la métropole. Des travaux importants y ont déjà été accomplis, notamment par le docteur Balfour, directeur des services scientifiques sur les moustiques et autres diptères piqueurs, qui inocule à l'homme et aux animaux des fièvres paludéennes et autres affections graves sur les formes soudanaises de la lèpre, de l'éléphantiasis, etc. par le docteur Beam, qui étudie spécialement la sécrétion de la gomme dite arabique par divers arbres de la famille des mimosas et dont la production est une des richesses à venir pour le Soudan. Après le Gordon College, nous remarquerons une usine à glace, établissement particulièrement utile ici, des casernes, la mission catholique, la belle villa de Sir Rudolf von Slatin, d'autres installations non moins coquettes habitées par des officiers supérieurs anglais, et nous arrivons au palais de Palace, résidence du Sirdar, qui occupe environ le milieu de l'immense quai que nous parcourons en ce moment. Comme je l'ai indiqué, cette vaste et confortable construction, de style gothique, s'élève à l'endroit même où était la résidence du général Gordon et où il fut massacré avec son personnel et sa garde. Un merveilleux jardin s'étend sur la façade sud du palais. C'est dans cet Éden, délicieuse oasis ombragée des plantes les plus rares, que Sir Reginald et Lady Wingate reçoivent la colonie européenne à l'heure du thé avec une simplicité et un charme que je ne puis oublier. Après le palais, ou Sirdarish, sur lequel flottent juxtaposés les deux drapeaux anglais et égyptiens, continuant notre promenade vers l'ouest, nous rencontrons le poste et le télégraphe, puis une immense construction où sont installés la plupart des services administratifs et militaires. Je rappellerai ici en passant que la situation des Anglais au Soudan n'est pas encore reconnue par la plupart des puissances. La France n'a aucun consul ou agent consulaire sur toute l'immense étendue du Soudan anglo-égyptien. Ensuite, les villas reprennent. C'est d'abord celle du colonel Stanton, mudir ou gouverneur de Khartoum. Diverses autres de hauts fonctionnaires et on arrive enfin au grand hôtel, grand par l'étendue de ses pièces, de sa magnifique véranda sur le Nil, grand aussi, très grand, par ses prix. Enfin, l'immense quai se termine à l'ouest par le jardin zoologique, fort bien tenu et aménagé, où l'on peut admirer déjà des espèces intéressantes de la région que l'on voit rarement en captivité. la ville commerçante, les boutiques des Grecs, dont quelques-unes sont fort bien approvisionnées, le marché, les banques, etc., s'étendent en seconde ligne derrière les jardins des coquettes installations du quai. À noter sur cette seconde grande artère, en face de la grille sud des jardins du palais, la statue, j'allais dire équestre, de Gordon, fièrement assis sur un dromadaire richement carapaçonné, le tout en bronze et d'une exécution parfaite. Un tramway à vapeur parcourt ce quartier commerçant et conduit les voyageurs jusqu'au promontoire, le Ras Khartoum, d'où un bac à vapeur part toutes les heures pour Omdurman. C'est dans cette ville, où les autorités veulent faire renaître l'activité commerciale d'autrefois, que sont les bazars indigènes et le port de commerce où se traitent les grosses affaires de grains, le doura, broyé en farine et transformé en galettes, constitue la nourriture principale de tout le Soudan. L'ivoire, la gomme, les épices et les parfums donnent également lieu à des transactions importantes. Le tombeau du Mahdi et la maison du califat ont été conservés et placés sous la surveillance d'un gardien qui, moyennant rétribution, les fait visiter aux touristes. La maison, la seule d'Omdurman qui avait un étage et des vitres aux fenêtres, est bien conservée. Quant au tombeau, il a eu beaucoup à souffrir des représailles britanniques. Les ossements du prophète ont été déterrés, jetés au vent, et son crâne envoyé au neveu de Gordon pour venger l'envoi fait à Slatine captif de la tête de l'infortuné général anglais. La maison Slatine demeura l'esclave du calife pendant plus de 10 ans est aujourd'hui un bureau télégraphique. Comme il faut s'y attendre, dans un grand centre qui fut pendant longtemps un entrepôt d'esclaves amené de tous les points d'Afrique, la population est très mélangée. À 10 kilomètres au nord d'Omdurman, on peut visiter le champ de bataille de Kereri, où se livra le dernier combat qui marqua la fin de l'épopée mahdiste et la victoire définitive des troupes anglo-égyptiennes. C'est de Khartoum que partent les services de bateaux à vapeur sur les deux Nils. Premièrement, service mensuel sur le Nil blanc par Fashoda jusqu'à Gondokoro. Deuxièmement, service sur le Nil bleu jusqu'à Roseres pendant la saison des hautes eaux seulement, c'est-à-dire de juin à novembre. Lorsque j'arrivai à Khartoum, dans les derniers jours de novembre 1905, pour entreprendre dans le bassin du Nil bleu les recherches scientifiques dont j'avais été chargé par le Muséum de Paris, le service à vapeur n'existait plus. Je dus louer une barque à voile indigène, Nugar, la faire ponter, y faire construire une cabine, installer une cuisine et un four à pain, et engager un reis, ou capitaine, avec un équipage de 6 hommes, un cuisinier et un domestique. Tous les préparatifs et l'embarquement des vivres furent terminés le 7 décembre, et poussés par un bon vent du nord, nous franchîmes, en faisant de fréquentes haltes et sans naviguer la nuit, la distance de près de 800 kilomètres qui sépare Khartoum de Roseres en 20 jours. La navigation fluviale est certainement le mode de voyage le plus confortable et le moins fatigant. Pas de mal de mer à redouter, pas de campement à dresser tous les soirs et à lever tous les matins, et la faculté à tout instant de faire halte et d'aller à terre faire des recherches ou une partie de chasse. Il est heureux qu'il en soit ainsi, car le pays en lui-même ne paierait pas, selon l'expression anglaise, une fatigue excessive. Le jour même du départ de Khartoum, on arrive à Soba, ancienne ville florissante dont on retrouve aujourd'hui à peine les vestiges. On passe successivement devant les petites agglomérations d'Eilafoun, d'El Messid, devant l'ancienne fabrique de poudre des derviches à Bachagra. On fait halte au village plus important de Kamlin, où l'on trouve quelques ressources. Partout le pays est plat et dénudé, mais fertile quand on peut l'arroser ou quand il pleut. À partir d'El Messid, les crocodiles se montrent dormants au soleil sur les bancs de sable et deviennent tellement nombreux qu'après quelques jours on n'y fait plus attention. À Roufa, on peut encore trouver des provisions, et le 6e jour après avoir quitté Khartoum, on arrive à Abu Arraz et au confluent du Rahad, premier affluent du Nil bleu, qui n'en compte que 2 en tout sur le territoire anglo-égyptien. 3 heures après ce confluent, on touche à Wad Medani, la ville de Boku la plus florissante de toute la partie orientale du Soudan égyptien, avec ses 15 000 habitants plus une garnison. Il s'y tient des marchés de doura et de bétail. Après Ouad Medani, les villages deviennent moins importants, plus espacés, et la végétation plus dense. Les hippopotames se montrent fréquemment, et la nuit il faut se mettre à l'ancre au milieu du fleuve à cause de l'abondance des fauves qui viennent boire après le coucher du soleil. Sennar, où l'on arrive après être passé au confluent du second tributaire du Nil bleu, le Dinder, est une grande désillusion pour quiconque a lu la description qu'en donne Caillot. Le royaume de Sennar, Il n'y a plus de roi, plus d'habitants, à peine des ruines. Les Anglais ont préféré édifier le chef-lieu de la province un peu plus loin à Singa. On y débarque après avoir traversé les rapides d'Abdin, infranchissables au steamer pendant la période des basses eaux. À Singa, nous retrouvons un petit centre européen et un accueil très cordial du colonel Wilson, gouverneur de la province, qui veille à l'édification de sa nouvelle capitale. L'architecte, M. Murphy, un joyeux Irlandais, me fait les honneurs de ses constructions et me fait observer qu'en l'absence d'une pompe à vapeur, l'eau nécessaire à son mortier revient aussi chère que du whisky, tant les berges du Nil Bleu sont élevées à cet endroit. En attendant le confortable avenir, le colonel Wilson tient en haleine son personnel en le faisant jouer au polo. Et comme les chevaux sont rares, on les remplace par des ânes. Ce n'est plus tout à fait le polo, mais un jeu plein d'imprévus, selon les caprices des montures. Après Singa, les crocodiles atteignent des dimensions colossales. Pendant une petite halte à Dontai, un indigène vient me dire que 3 jours auparavant, un de ces énormes sauriens a saisi et dévoré son frère, qui l'épuisait de l'eau au pied de son jardin. Il m'offre toute sa récolte, si je consens à tuer le monstre qui est tous les jours à prendre le soleil sur le même banc de sable. Du haut de la berge, je ne tarde pas à apercevoir l'animal en question. Après m'être approché le plus possible, je lui loge une balle à la partie postérieure du crâne. Une large tache de sang s'étend sur le sable blanc, mais le crocodile a encore la force de se laisser glisser à l'eau. L'ai-je blessé mortellement? Je ne le saurais jamais. Mais j'acceptai avec plaisir quelques légumes frais et un panier de citrons, les derniers que je devais trouver sur le Nil Bleu. Les hippopotames sont d'une abondance qui rend tout essai de culture très difficile sur les bords du fleuve. Les règlements de chasse destinés à protéger le gros gibier, et que j'ai exposé en parlant de l'Uganda Railway, sont également en vigueur ici. Mais les autorités locales peuvent, selon les cas, donner des permissions spéciales pour réduire à de justes proportions telle ou telle espèce devenue nuisible par le nombre de ses sujets. C'est ainsi que le colonel Wilson prie les Européens de passage de vouloir bien le débarrasser d'autant d'hippopotames qu'ils pourront en tuer. À chaque instant, on aperçoit un museau gras et luisant venant respirer bruyamment à la surface et d'où sort le grand rire moqueur qui constitue le cri de l'énorme pachyderme. Je n'oublierai jamais la soirée du dimanche 24 décembre 1905, nuit de Noël, passée à l'ancre devant une vaste plage près de l'endroit nommé El Lacandi. Dès le coucher du soleil, sur la rive droite où crépite un grand feu de brousse, des lions et les hyènes se font entendre en nombre, tandis que sur la rive gauche, nous voyons, grâce au clair de lune, sur la plage blanche, s'agiter d'énormes masses noires qui font entendre un bruit strident de trombones fêlés. Ce sont des troupeaux d'éléphants qui viennent se désaltérer. Tout autour de la barque, pour compléter cet orchestre zoologique, les hippopotames font la basse. L'équipage lui-même ne reste pas silencieux. Pendant la journée, la chasse a été fructueuse et le repas du soir abondant. Mes braves matelots, par leur digestion sonore, annoncent aux deux rives que la plénitude est à bord. Enfin, le 27 décembre, nous arrivons à Roseres, dernier poste anglais, et le terme de la navigation sur le Nil Bleu. Je ne dirais pas que ce poste soit un séjour enchanteur pour le capitaine Graham qui le commande et nous y fit un aimable accueil. Cependant, pour un sportsman qui ne craint pas l'isolement et aime la chasse et la pêche, Roseres est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Le village indigène, peuplé de gens appartenant à la race Ameg, est assez animé. Le pays ne manque pas de pittoresque avec ses collines arrondies où les baobabs croissent en toute liberté et atteignent des dimensions colossales. Les palmiers doums et les mimosas forment çà et là des forêts impénétrables. La cataracte due à des roches granitiques n'a jamais été franchie par un steamer, mais ses 6 milles de rapides ont souvent été passées par les barques indigènes ou les radeaux de bois descendant à Khartoum. Au-dessus de la cataracte, le fleuve redevient navigable sur une 50 milles jusqu'à Famaka, c'est-à-dire à la frontière d'Abyssinie, au-delà de laquelle le Nil Bleu n'est plus qu'un torrent le plus souvent impétueux et infranchissable. Pendant notre séjour dans ces hauts parages, nous avons abandonné la barque pour 2 excursions. La première, dans le Jésiret ou Darfunki, immense territoire qui s'étend entre les 2 Nils. Pays plat, sol mouvant sous le pied, que les Anglais désignent sous le nom de Cotton Soil. Pas d'habitants ni de culture jusqu'aux pittoresques petites collines granitiques d'Agadi qui gardent des flaques d'eau de pluie et rendent la vie possible. nous avons fait ce trajet d'environ 40 kilomètres entre Rosérès et Agadir dans des conditions spéciales. M. Gorange, directeur du service anti-esclavagiste dans ces parages, service qui dispose de fonds considérables et entretient un poste de surveillance à Agadir, a eu l'idée de créer une piste carrossable sur laquelle, à la saison sèche, il circule dans une voiture d'une résistance à toute épreuve et munie de roues à bandes de roulement très larges. Malgré ces précautions nécessaires à cause de la nature du terrain, la route est tellement défoncée par les troupeaux d'éléphants qui trouvent commode de s'en servir pour leurs déplacements que l'on ne peut pas affirmer que ce soit là un mode de locomotion confortable. Quoi qu'il en soit, l'aimable invitation de M. Gorange à prendre place avec lui dans son char attelé de 3 chevaux en flèche nous a fait voir une région sans avenir, mais bien intéressante. Au sud des collines d'Agadir sont les montagnes des Incasanas, tribu pillarde encore incomplètement soumise. À l'époque des basses eaux, le service à vapeur étant suspendu sur le Nil Bleu, la voie de Rosérès à Agadir et à Reng, longue de 160 km environ, et que l'on peut faire facilement à cheval en 3 jours, permet de rejoindre dans cette dernière localité les steamers du Nil Blanc, dont le fonctionnement n'est jamais interrompu et qui redescendent en peu de jours à Khartoum. La seconde expédition nous a conduit à quelques journées en suivant le Nil Bleu, à la frontière d'Abyssinie et à la région montagneuse du Fazogli. C'est un pays pauvre et inhabité, mais merveilleux pour le chasseur. Toutefois, qu'il étudie bien l'emplacement de son camp. Les rives sont abruptes et il n'y a que quelques points où les animaux peuvent descendre boire. Si l'on campe devant une de ces descentes, ce qui est très commode pour le service et pour aborder les bêtes de somme, on aura pendant la nuit de fortes alertes, car malgré les feux, les fauves et les éléphants, obligés de profiter de l'unique passage pour aller se désaltérer, risqueront fort de mettre à mal les tentes et leurs habitants. Sur la barque amarrée au milieu du fleuve, on se sent en sécurité, mais ici, sous un frêle abri de toile, le rugissement des lions et les formidables coups de trombone des éléphants font passer des nuits remplies de plus d'émotions que de sommeil. Cette région du Fazogli ne semble pas appelée à un grand avenir. En dehors des rives du fleuve où l'on cultive un peu de doura et de tabac, c'est toujours la même brousse épineuse, giboyeuse mais improductive, traversée de ravins ou corps à sec pendant plus de la moitié de l'année. Au sud de cette province s'étend la région montagneuse des Beni Sangoul, que les traités ont laissé à l'Abyssinie et qui semble beaucoup plus riche. Les gens qui la peuplent, courts et trapus, ont un aspect très spécial et sont actifs et intelligents. Ils se livrent à des cultures variées et à l'élevage. De plus, l'exploitation de l'or fait chez eux l'objet d'un trafic assez rémunérateur. Tout récemment, une compagnie anglaise s'est constituée pour l'extraction du précieux métal dans cette région qui, bien que dépendant de l'Abyssinie, ne peut avoir de relation avec l'Europe que par Rosérès, le Nil Bleu et Khartoum. Le retour par la même voie fluviale n'a pas présenté les agréments de l'aller. Le vent du nord n'a fait qu'augmenter et les eaux sont basses en février et mars. Malgré le courant, le vent violent et contraire empêche la barque de descendre. Il faut profiter des accalmies pour aller à la rame ou se faire aller à la corde et on s'en sable à chaque instant. Enfin, après 34 jours, dont quelques-uns nous semblèrent bien longs, nous eûmes la joie de revoir la lourde construction du Gordon College et la masse blanche du palais du Sirdar. Comme Khartoum nous paraît maintenant une ville civilisée, pleine de ressources, il nous semble que nous sommes revenus en Europe. Ainsi s'achève le voyage au Soudan égyptien de Khartoum à la frontière d'Abyssinie par le Nil Bleu par M. Charles Aluot.